7h du mat. Un air devant le zar se lisant sur le visage. Un air devant le zar se lisant sur le visage. Un air devant le zar se lisant sur le visage. Chaque matin c'est la même. Je suis sur le quai, les mains dans les poches. Un quicksilver dans le dos, un iPod et des cosses. Du mal à tenir debout, je suis dans les vapes. C'est pas ma faute, j'ai encore du sommeil dans les pattes. Le train arrive et pas moyen, je me postiche. J'ai vraiment pas la force de faire le post-it. Je résiste, mais une fois assis, plus rien de matin. J'observe la tête penchée collée au mur comme chaque matin. Et c'est reparti pour un tour de visage sans sourire, de regard étourdi. Que j'évite, car le spleen ça se refile. Dans une ambiance nécrophile, le métro file. Tous accordés sur le rythme des rames. Gauche, droite, triste trajet. À chaque station ça se remplit un peu plus. Mais toujours personne à côté de moi. Car j'ai un air devant le zar se lisant sur le visage. Car j'ai un air devant le zar se lisant sur le visage. Car j'ai un air devant le zar se lisant sur le visage. Car j'ai chaque matin c'est la même. C'est dingue comment du regard on peut se bouffer. Comment sans s'excuser on peut se pousser. Et ça rend nerveux du coup. C'est des raisons de plus de rester couché. C'est le carrefour des embrouilles gratuites. Si tu veux de l'adrénaline c'est pratique. Les personnages des films et moi rien de matin. J'observe la tête penchée collée au mur comme chaque matin. Y'a ce SDF à qui la vie a tout pris. Qui parle tout seul et personne n'est surpris. Des inconscients à peine sortis de boîte de nuit. Et ce mec de château d'eau qui veut te couper les cheveux à tout prix. Entre les racistes qui s'expriment à haute voix. Les pickpockets qui volent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les vendeurs à la sauvette, les gens sont plus que méfiants. Même d'un gars cool comme moi. Car j'ai un air devant le zar se lisant sur le visage. Car j'ai un air devant le zar se lisant sur le visage. Comme d'hab. Un air devant le zar se lisant sur le visage. Comme d'hab. C'est indéniable le métro, le RER. C'est le repère, le rendez-vous de la misère. Qui n'a pas déjà entendu quelqu'un mendier. Ou bien vu une main tendue et l'a ignoré. Et là un mec monte, discours de base. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je devrais me sentir concerné, mais rien de matin. J'observe la tête penchée collée au mur comme chaque matin. Sauf que là, je reconnais ce ton de voix. Donc je me retourne, et là, je vois quoi. C'est le daron de mes potes. Truc de ouf, c'est le daron de mes potes. Je suis choqué, bloqué. Je réalise que mon pote fait semblant d'être troqué. J'ai gardé les yeux grands ouverts, bouche bée. Mais lui il m'a même pas fixé. Car j'ai un air devant le zar se lisant sur le visage. Car j'ai un air devant le zar se lisant sur le visage. Car j'ai un air devant le zar se lisant sur le visage. Car j'ai